très élégant fleur d'hélice. Lors de l'introduction de l'hélice à pas variable, les mécaniciens ont trouvé un système ingénieux pour faire varier le pas de l'hélice. Ils ont inventé un système pneumatique à deux pas. Un petit pas pour le décollage et un grand pas pour le vol en croisière. Ce système consistait à placer une vessie à l'intérieur du cône d'hélice, la gonfler à une pression de 2 kg par centimètre carré, suffisante pour maintenir l'hélice au petit pas. Après décollage et altitude croisière atteinte, le pilote vidait la vessie de son air et l'hélice passait au grand pas. Au retour de mission, il fallait, au sol, rétablir la pression dans la vessie. Cela se faisait à la main avec une grosse pompe à vélo. D'où le terme utilisé pour les mécaniciens de l'armée de l'air, les gonfleurs d'hélice.